Bon, merci beaucoup. En fait, t'as pas tant que ça débordé parce qu'on avait commencé un petit peu tard. Nickel. Donc, il nous reste une demi-heure pour débattre, pour poser des questions, pour intervenir. Hein? Ah oui, une petite chose. Comme on ne s'est pas présenté tout à l'heure, c'est bien quand vous intervenez de vous présenter, brièvement. Hein, alors, qui veut commencer? Explique-moi, vous êtes en remarque, si tu permets. Oui. Francis Favreau, mais je ne vais pas développer parce que ça correspond à ce que tu as dit au début. Je ne vais pas donner de nom. Au moment de tes verres, au premier, à mon bureau, Annie, la secrétaire, me dit cet après-midi, le CRPJ va passer sur commission rogatoire du juge Bruguière. Ah bon? Ah bon? Oui, elle me dit je ne sais pas. Bon, voilà. J'avais cours, je sors de mon cours, c'était à 3h30. Je vois deux grands, j'ai dit merde, j'ai rendez-vous avec le CRPJ. C'était eux. C'était deux mulets, là, genre Navarro. Un qui s'appelle le Québec, soi-disant. Et un autre qui avait l'accent du midi et qui m'a assuré qu'il était ch'ti. Vous voyez ces gens. Et alors, ils venaient sur commission rogatoire du juge Bruguière, suite à Belfort et Saint-Gabel. Mm. Donc, ils venaient en fait me demander les bordereaux de notes qu'avait obtenu un des étudiants dans le cadre de l'échange Socrates que j'avais créé, que je dirigeais entre Rennes 2 et Gastès. Donc j'ai dû le donner, ce qui m'a gêné parce qu'il y avait une jeune fille qui n'avait rien à voir avec ça, qui était également dans le Bordeaux. Donc voilà, je ne vais pas te donner de nom, mais si tu veux en reparler avec moi, et donc moi ça ne me concernait en rien. Mais bon, ils sont restés à peu près une demi-heure, et c'était très surréaliste. Et ils m'ont proposé de me ramener à Guingamp. Ils m'ont demandé si je me dis, ben non, je rentre chez moi. Bon. Ah ben on vous ramène si vous voulez. Je dis, ben non. Vous allez où, monsieur, à Guingamp? Ben on y va. Bon, je dis, ben ouais, mais moi j'ai mes habitudes. Ben, je prends mon train. Ben ouais. Ah ouais, ben, je vous amène à. Je dis, ben non, je prends un panier de salade à la gare. Et donc, c'était. Et je vous dis, quoi, on peut l'avoir. Ouais. Ben, je dis, ouais, mais bon, dans les librairies. Enfin bref, c'est surréaliste. Et du coup, ils allaient sur Guingamp. Ils m'ont dit 8 jours. Et. Entre Guingamp et Carré, et c'est cette semaine-là que Gaël a été inquiété suite à la remise de la cassette à 4-0 devant le lycée d'Iwan. Donc il y a tout un faisceau de choses là qui sont extrêmement. Et, bon, sur l'affaire Carré, hein, oui. Je ne vais pas donner les noms. Mmh. En fait, c'était des trucs qui étaient montés, quoi, qui étaient montés à Belfort et à Saint-Gabel. Saint-Gabel, mon conseiller général, était Jospin. Et donc voilà, moi je. Ça bah, d'ailleurs, là-dessus, sur l'affaire Quévert, toutes les personnes, bah, dont Gaël Roblin qui avait été arrêté, ont été condamnées, mais pour d'autres chefs d'inculpation. Et pas pour, ça, pas ça, pour l'affaire, enfin pour cet attentat-là, pour le coup. Enfin, mais aucun n'a été condamné pour cet attentat. Si tu veux, je te donnerai plus de détails off the record, parce que ça n'a qu'un intérêt anecdotique. Tu en as parlé au début, donc je me suis permis de. Et comme j'en parle peu, c'est pas un truc qu'on va. La prescription. Moi, je voulais te poser des questions là, sur Atsao. J'ai pas compris qui était le président d'honneur. Alan Eon, le premier président d'honneur. Alan comment? Eon, E-O-N. Qui était un ancien du PNB et qui était président d'honneur jusqu'en 2007. Et en 2007, c'est qui est décédé, c'est Patrick Pontozé qui est devenu président d'honneur. Et autrement, alors là où je suis tombé des nues, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est quand tu disais que donc la nouvelle droite et le néo-fascisme italien s'inspirent de Gramsci. Alors là, oui. Mais c'est une réalité. Là, et tu disais aussi que. Et alors, qui a une présence dans les AMAP? Les identitaires, en fait. Les identitaires. Alors, les identitaires, en fait, c'est un groupe qui se revendique en tant que tel. Ils ont un logo bleu avec un V à l'envers, jaune, dans un rond. Ils ont déjà fait des collages sur Rennes, c'est déjà arrivé. Ils sont pas très présents ici, mais ils sont plus présents dans le sud de la France, en fait. Et du coup, leur stratégie, elle est vraiment comme ça, en termes d'entrisme. C'est-à-dire qu'ils vont faire des associations citoyennes contre la violence animale. Mais du coup, ça va être des choses qui vont militer contre le halal, par exemple. Ou des associations citoyennes pour l'écologie, ou pour les SDF, et c'est eux qui donnaient des soupes de cochon, par exemple, aux SDF, ce genre de choses. En fait, ils changent, ils réinventent vraiment les pratiques de la droite radicale. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez tard, qui arrive assez tard en France, mais dont l'inspiration vient d'Italie à la base, et de Casapande notamment. Et tu as parlé de Johan Kisbrey, autrement, qui était un lien entre Atsao et l'action. Ouais. C'est ça ? Oui, c'est ça. À Nantes, en fait. Oui, mais en fait, ça existe toujours. Alors, ça s'est relancé, en fait, dans les dernières années, mais c'est lié au milieu très jeune, au milieu étudiant. C'est l'Action française étudiante qui reprend la pensée de Maurras et qui se revendique royaliste, anti-républicain. Et en fait, Atsao, ce qu'ils ont réussi à faire en Bretagne, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, et une fois, ils ont réussi à rassembler autour d'eux la plupart des composantes des droites radicales. Donc à la fois les droites radicales qui se revendiquent bretonnes, celles qui se revendiquent françaises, celles qui se revendiquent européennes, type identitaire, et même royalistes. Par exemple, quand ils ont fait un rassemblement à Brest contre l'imam de Pont-à-Nézen, ils étaient alliés avec Riposte Laïque et Résistance Républicaine. Et il y a une vidéo très intéressante où on voit la personne, la responsable de Riposte Laïque, il me semble, qui dit devant la caméra, il dit « c'est super que Jacobins et indépendantistes bretons puissent s'allier ensemble contre l'islam, etc. » C'est, ça aussi, c'est assez nouveau comme lien pour le coup. Il n'y a pas Tristan Maudrel au départ de ça ? De la manifestation de Brest ? D'Atsao, à la base, il y a Patrick Montausier et. Il n'y a pas Tristan Maudrel. Et aussi, oui, à la fondation. C'est le fils de Maudrel. Fils ou petit. Fils d'une seconde. Fils. Dont la sœur était Stéphanie. Et donc, tu disais Riposte Laïque ? Et Résistance républicaine. Et autrement, je voulais savoir, là, tu parlais des identitaires, ils avaient ouvert une maison à Guerlesquin. Oui. Elle existe toujours ? Non. Non. N'existe plus. Mais c'est exactement ce genre de mouvance, pour le coup. Et ce genre de pratique, en fait, volonté de s'installer dans un lieu à la campagne pour ensuite faire de l'action de terrain, locale, etc. C'était Tibreiz, ce qu'il s'appelait. Tibreiz et Atsao. Il y avait des liens avec Atsao, hein, ils faisaient aussi des événements là-bas. Oui. Désolée d'être en retard. J'habite Dinan, Lyon, ça veut dire Thiver. Et vous en avez peut-être parlé, je suis désolée. C'est un tentative Thiver pour moi pour être vraiment trop, trop à pic. C'est-à-dire qu'on était en 2000, on était sur le point d'ouvrir, on l'a ouvert d'ailleurs, l'école du monde à Dinan. Donc on n'aurait pas. Mieux fait pour démolir, on va faire où ça serait pas pris autrement. Bah c'est ce que, oui, c'est ce que, enfin, c'est qu'il ressort beaucoup des entretiens, hein, quand on regarde avec les gens de l'époque. Bon, mais il y a quelqu'un avec qui j'ai fait un entretien qui était à Mgan. Quand je lui dis que le titre c'était la recomposition des mouvements bretons après l'affaire Kéver, il m'a répondu, ah, c'est plutôt la décomposition des mouvements bretons après l'affaire Kéver. Et puis à ce moment-là, le président était placé sur Saint-Malo. Moi, j'étais plutôt en charge du dossier Dinan. Ça m'a donné un peu de starter jeune. J'ai dit, s'il y a des cons qui tuent au nom de la Bretagne, justement, on va leur montrer comme moi je peux, et on ouvre cette école. Et on l'a ouverte. Hasard, encore une coïncidence, j'ai appelé très vite un bon Lincoln. Et ce jour-là, c'était la première rencontre, le dialogue avec les Français, qui ont été dans une logique d'ouverture, d'intégration. C'était le premier jour où Henri Lincoln et Julien Montsoulevaux, ce qui est de moi, rencontraient Jacques Lang. Donc, mon sentiment à moi a été que cet attentat aurait été vraiment trop fantastique. Oui, c'est un sentiment qui est. Oui, bien sûr. Et vraiment, une enquête de système normale, avec le crime. Donc, j'ai été convoqué au commissariat de Milan, dans le cadre d'une enquête, sentiment d'enquête de système normale. Pour demander des dossiers qui étaient déposés en préfecture et il y avait des mots. Évidemment, on n'avait pas, évidemment, mais c'est tout ce que je veux. Moi, je peux rajouter un truc, je peux donner un nom quand même. Lorsqu'ils sont venus, là, donc, ils me disent ouais, c'est pour l'attentat de Belfort. Je dis, j'avais lu ça dans la presse, je dis, mais c'est Erwan, je dis ça comme ça, c'est Erwan Castel. Erwan Castel qui était étudiant ici. C'était une reprise d'études très bizarre. Qui est très connu dans le Trégor, parce que c'est lui qui a plus ou moins, à l'époque des Basques, là, c'est lui qui était en dessous. Alors il me dit, ouais, mais je dis, mais c'est un pote à vous, parce que moi je reparlais un peu comme à des étudiants, parce qu'ils étaient, ils avaient, tu vois, ton âge, un petit peu plus. Ils me disent, non, il est officier supérieur. Donc ouais, c'est quand même intéressant de savoir que le SRPJ te dit, en tant que prof, dans mon bureau, que celui qui était notre ancien étudiant, enfin de quelques années avant, il est officier supérieur. Ça veut dire que c'était la DGSE. Mmh. Ou la GSI, ou je ne sais plus, ça a changé. C'est le DST. Et Juan Castel. Alors moi, j'ai longtemps cru que c'était un pseudo. Et en fait, non, il existe. Parce que les gens disent, il a disparu. Il a disparu dans la nature. Et en fait, non, c'est son vrai nom, c'est bien l'ASPZ, etc. Il y a des ASPZ3 que je connais, qu'ils connaissent, etc. Il est même surpris. Et donc, il était effectivement dans la Légion, et c'est lui qui aurait fait, enfin, après la presse, mais tout ça après, ça, c'est parti, ça, il n'y a eu aucune suite, il aurait mis la bombe à Belfort. Donc Belfort, qui était l'ancienne mairie de Chevènement, dans ce contexte dont tu parles. C'est impressionnant. Hein. Je vais rajouter un truc parce que Piriou, qui était un grand copain, qui était dans le bureau en dessous, je vois toujours Jean-Pierre Piriou, qui est le beau-frère de Marie-Lise de Branchu. Marie-Lise de Branchu était quand même garde des Sceaux. Donc un jour, tu peux lui demander à Piriou, il te répétera comme moi, il lui dit Marie-Lise, quelques mois après. Et il lui a dit, je vous répète ce qu'il m'a dit, Jan-Bert, je ne peux rien te dire. Jan-Bert, je ne peux rien. Il était garde des Sceaux. Jan-Bert, je ne peux rien te dire. Ça veut dire que ce sont des, ce qu'on appelle des raisons d'État. Des raisons d'État. Des raisons d'un petit État. Donc c'est quand même impressionnant. Et ni Jan-Bert, ni moi, ni personne, nous, on n'avait rien à voir, ni de près, ni de loin. On s'en fiche royalement. Donc je veux dire, moi je te parle de ça, donc je te parlerai de l'enferrant. Après, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes, évidemment, mais après, en sciences politiques, par exemple, quand on étudie un peu l'histoire de l'alliance politique, on étudie aussi les stratégies de le terrorisme comme politique d'État, notamment les années 70, les années plomb en Italie, ce genre de choses. C'est quelque chose qui a toujours existé. Bon, bien évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes, il ne faut rien affirmer, etc. Mais c'est, oui, ça a toujours existé. Alors après, par exemple, en Bretagne, il y a eu l'affaire de la Villa de Bouygues qui avait explosé dans les années 70, qui était un faux attentat fait pour infiltrer les mouvements clandestins bretons. C'est quelque chose de récurrent, qui a toujours existé, qui existera toujours. Après, est-ce que l'affaire Kébert relève de ça ou pas? Tout ce qu'on peut dire, c'est que les gens arrêtés pour ça n'ont pas été condamnés pour cet attentat, mais condamnés pour participation à l'ARB, etc. Après, c'est pas forcément là-dessus qu'il faut s'étendre, mais c'est bien de le rappeler, évidemment. Parce que tu en as parlé au début, on va s'en rappeler. Oui, tout à fait. Parce que c'est quand même important, comme tu as dit. Oui. D'accord. Il nous reste une vingtaine de minutes, donc si vous voulez poser des questions. Ah ben, super. Moi, j'ai une question, sur ces questions-là, de qui, quoi, comment, par rapport aux attentats, je trouve que ça ne nous mène pas forcément sur des chemins qui vont nous aider. D'autant qu'il y a des gens, en plus, dans le tribunal, qui ont affirmé avoir fait ces attentats dans les années 2000, par exemple Christian Georgiou, qui a pris la responsabilité, donc il y a quand même des faits qui ont été réalisés aussi par les nombreux. Moi, la question que j'avais par rapport à votre présentation, je n'avais pas pensé comme ça va peut-être un peu classique comme question, mais est-ce qu'on assiste pas à une droitisation, en fait, du mouvement breton, y compris par le mouvement des Bonnets Rouges, parler de ça par rapport aux années 70, mais qui ne serait pas non plus très étonnant par rapport à ce qui se passe dans la société française, voire européenne, etc. Par les années 70, il y a une image un peu presque cliché, on va dire, qui est liée à cette période-là, d'ancrage très très à gauche des mouvements bretons. Alors certes, ça a été une réalité à l'époque, mais c'était pas une nouveauté, c'est des choses qui ont déjà existé avant, mais juste une montée en puissance des mouvements de la gauche bretonne dans les années 70 qui pour le coup est évidente et qui amène les productions nouvelles de cette période. Et, alors après, est-ce qu'il y a une droitisation des mouvements bretons dans l'après-affaire Kévert? Bon, ça je répondrai un peu en deux temps. Il y a l'avant et l'après Bonnet Rouge, déjà. Quand on regarde l'avant, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, niveau de Dibab, Aïta, 44 Braise, toutes ces créations-là, elles sont liées à la gauche bretonne, donc qui au final est assez prolifique sur cette période, et qui existe toujours avec les partis, qui a toujours un parti, du coup, M-Grand, qui a devenu Brissance, donc qui est toujours active. Alors après, est-ce qu'elle est en train de se faire dépasser par la droite des mouvements bretons? Peut-être. Mais les Bonnets Rouges, est-ce qu'on peut analyser les Bonnets Rouges comme étant essentiellement un mouvement de droite? Je ne suis pas sûr. Et est-ce qu'on peut analyser la droitisation ou pas des mouvements bretons par rapport aux Bonnets Rouges? J'en suis encore moins sûr, puisque c'est un phénomène qui a énormément échappé aux partis, à tous les partis d'ailleurs. C'est intéressant, par exemple, au moment des Bonnets Rouges, toutes les organisations, depuis la Fédération anarchiste jusqu'aux groupuscules les plus à droite, tous ont fait des communiqués pour dire s'ils appelaient ou pas à aller à la manifestation de Quimper. Ça veut bien dire quelque chose, en fait, sur... Personne ne savait exactement ce que c'était, parce que ce n'était encore rien. Avant la manif de Quimper, ça n'est pas... ça venait vraiment à Quimper, les bonnets rouges, enfin, selon moi. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut penser à droitisation ou pas des mouvements bretons selon le mouvement des bonnets rouges, qui est très particulier? Alors ça, j'en suis pas sûr. Mais alors, je pense que les bonnets rouges, pour le coup, c'est plus un débordement et, l'apparition de... des générations de peut-être de néo-militants, enfin des gens qui arrivent dans le militantisme breton sans être du tout liés aux différentes organisations qui pouvaient exister, même pas du tout liés aux idées classiques et pas du tout dans un héritage de pensée ancien, je pense, et qui pour le coup peut-être subissent une influence de droitisation, mais moi si je l'expliquerais dans ces cas-là, ce serait parce que c'est des nouveaux militants qui arrivent sur l'action politique à une époque de droitisation peut-être plus générale de la société. Enfin, personnellement, j'analyserais plus comme ça. Ça ressemble un peu à Plogoff aussi. La montée comme ça. Il y a une différence quand même, c'est que Plogoff, le cœur du combat, n'est pas lié à la question bretonne, alors que les bonnets rouges, si. Bah, l'écotaxe, c'est pas lié vraiment au mouvement breton. Bah, sur la façon dont s'est déroulé le mouvement. Ouais, via Christian Troisdeck, mais sinon, dans l'absolu, pas plus. Bah dans la revendication de vive des cités travailler au pays, les symboles du Gonadu et du bonnet rouge, qui eux-mêmes sont très connotés au niveau de la question bretonne. Alors, Plogoff, ça a aussi l'identité écologiste, qui est très forte. Très peu. Bah, sociologiquement parlant, c'est énormément de militants. C'était plus breton qu'écolo. Demande à Rosen, demande aux gens qui ont connu ça. C'était les deux, ouais. Ah, non, c'était pas du tout écolo. Les écolos ne pesaient rien à l'époque. Non, mais en termes d'idées qui sous-tendent cette mobilisation, en fait. Tout le monde était. Après, bah, par contre, Plogoff, je l'analyserais plus pour le coup comme étant un lien nouveau entre les idées bretonnes et écologistes. Une fusion entre les deux qui n'existait pas, quoi. Et oui, excusez, Plogoff, il y a une fusion pour le coup nouvelle entre les nouvelles idées des années 70, notamment les idées écologistes, avec les idées bretonnes. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Et c'est pour le coup quelque chose qui a fait école parce qu'on le retrouve encore, bah, on voit ce petit tag-là, par exemple, dans la question de la lutte contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, là aussi, mais c'est moins marqué pour le coup, peut-être qu'à Plogoff, mais c'est aussi quelque chose qui est existant. Le fait que ça soit en 44, que beaucoup de mon breton le disent, c'est un combat breton parce que c'est. Pour une question de réunification, etc. Et parce que c'est aussi conceptualisé comme étant la question de l'aménagement du territoire et le droit de décider sur un territoire, en fait. Et donc, je pense qu'il y a un nouveau lien qui se recrée, qui se réactualise sur ces questions-là, comme c'était présent Plogoff. Mais je ne mettrais pas forcément Plogoff et les bonnets rouges au même niveau d'analyse, pour le coup. Après, ça, c'est dans son point de vue là-dessus. On n'a pas évoqué le site de Breizatau. Est-ce que pour toi c'est juste une personne ? On a l'impression que c'est quand même plusieurs personnes. Est-ce que c'est corrélé avec Atsao ? Non, alors c'est deux sites différents, c'est beaucoup. C'est deux sites différents. Alors Bretagne Info et Breizatau, c'est un site qui a été créé par Boris Lelay, qui est quelqu'un qui était plus ou moins proche d'Atsao à une époque, mais qui maintenant existe en propre. Alors c'est un site qui a fait beaucoup parler de lui par des scandales médiatiques. C'est un peu la stratégie de Le Pen Père, qui est qu'importe si on en parle en mal, il faut que ça parle. C'est comme ça que ça marche. Et alors lui, c'est ça qui pratique pour le coup. Et en soi, ça n'a pas du tout d'influence en termes de liens militants avec Atsao. Ça a une influence en fait sur tout ce que certains appellent la fachosphère, en fait, c'est le redéveloppement de l'extrême droite par l'Internet. L'apparition d'Internet et le développement de ce lien entre action politique et vie numérique. Là-dessus, l'extrême droite bretonne a été même très avant-gardiste, en fait, sur la question, bien plus que les mouvements de gauche. Et Breizatau, c'est un site qui ne critique pas Atsao, mais critique tous les autres tendances des mouvements bretons, tout. Alors que, en termes de positionnement, alors que Breizinfo, pour le coup, c'est quelqu'un, alors c'est Yann Valéry qui a créé ça, c'est quelqu'un qui est passé, qui a voulu rentrer même dans une époque, qui est passé par les identitaires, qui est passé par Atsao, qui est passé par Jeune Bretagne, qui l'a créé aussi, et qui maintenant est très lié au Front National, en fait, et qui fait des... du coup, qui met un peu en avant un côté breton, par le terme, mais c'est très peu lié... Enfin, en termes de pensée politique, c'est pas du tout indépendantiste, c'est pas du tout autonomiste, mais c'est identitaire, pour le coup. Là, c'est très lié aux pensées que je disais, les pensées identitaires. Et qui vont chercher à surfer en fait sur des états d'évolution politique Et moi, je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas trop abordé, mais je pense que dans la décennie des années 2000, ce qu'on voit apparaître avec le côté embrace touch, marchandisation, identité bretonne, etc., il y a aussi un côté, en fait, expansion des idées, des thématiques bretonnes à des partis et à des mouvements qui n'étaient pas très concernés à la base. Et quand on regarde la dernière campagne régionale, ça, c'est assez intéressant. On voit des élus FN qui ont des bannières d'élus avec des gonadus, comme Christian, à la base c'était Christian Cordier qui a fait ça, qui utilisent des hermines comme logos, ce genre de choses, même s'ils sont par exemple contre les officiations donc bretonnes, ce genre de choses, mais qui vont essayer de surfer là-dessus. Et c'est aussi Marc Le Fur qui essaie de donner une image un peu régionaliste et qui va s'allier. Il y avait des gens de Bretagne réunis sur sa liste, de Braise Europa aussi. Et Le Drian, pareil, hein, qui lui a un passif un peu plus ancien, pour le coup, avec le militantisme breton. Mais on a un peu l'impression, en fait, que comme pour les questions écologistes, où à la base, des partis politiques écologistes ont émergé, parce que c'était les seuls à parler de ces questions-là, et ensuite, ça a été récupéré par la plupart des mouvements politiques, qui le font tous à leur sauce, mais qui ont récupéré ces thématiques. Moi, j'ai l'impression qu'on assiste un peu à la même chose, en fait, dans les mouvements, dans toutes les questions bretonnes. Et alors du coup, le site Braise Info, on peut le lier à ça aussi, en fait. C'est un travail de fond qui est fait allié avec le Front National bien plus qu'à Katsao, qui est assumé en tant que tel hein, par le fondateur, par Yann Valéry, et qui va, par exemple, beaucoup critiquer certaines tendances des mouvements bretons à gauche. Et alors ça, c'est encore plus vrai avec Braise Atao. Mais alors, Braise Info, il parle assez peu d'Atsao, et plus lié au Front National, quand même... que Braise Atao qui se revendique, enfin, qui préfère Atsao, mais qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les militants entre les deux. Quoi. Mais par contre, c'est très consulté par l'un et par l'autre. Et les choses du blog d'Atsao qu'on retrouve sur le site de Braise Info, de Braise Atao, et Braise Atao qui publie... Mais c'est surtout raciste, quoi. C'est surtout la base. Ah oui, clairement. Hein. Plus que les autres. Plus ouvertement que les autres. C'est Atsao, raciste basique, quoi. Atsao a aussi une pensée très raciste. Hein, mais ils ont un porte-parole, par exemple, Ronan Le Gall, qui fait des efforts de un peu de dédiabolisation, on va dire, entre guillemets, comme le fait le Front National. Et bien évidemment, on va pas tenir des propos racistes devant les caméras quand il le fait, mais quand on lit les programmes, quand on lit les articles, quand on regarde ce qui est fait en termes d'action militante, c'est... pour beaucoup, enfin, par exemple autour du pays de Pontivy, où il y a quelques militants de ces mouvements-là qui sont assez présents, quand ils avaient fait une manifestation contre l'immigration, ça s'était soldé par du lynchage dans la rue, et c'est aussi à mettre en lien avec d'autres événements qui sont arrivés peu après, des restaurants kebabs ou des restaurants de nourriture un peu exotique, entre guillemets, qui ont brûlé dans une nuit. C'est en fait, Atsao, il existe à durer, c'est assez intéressant, parce qu'il tient la durée, en fait, de rien depuis 16 ans, il existe toujours. Il n'a pas réussi à vraiment décoller, mais il a réussi à ramener à lui beaucoup de militants, en fait, des droites radicales qui sont en train de se développer aussi depuis quelques années. Et du coup, il arrive à avoir une certaine force d'action. Quoi. C'est assez réel. Il existe ailleurs, en Allemagne, en Angleterre. Hmm. Pas très original. Ah non, c'est une adaptation bretonne, en fait, d'un mouvement européen en général. Hein. Enfin, c'est comme ça que je l'analyse, en tout cas. Proportion. Alors Atsao, de souvenir, il revendique, alors selon les époques, ça a changé, il y en a moins maintenant. Je dirais, il revendique autour d'une centaine, entre 50 et 100 militants et entre 200 sympathisants. C'est comme ça qu'ils revendiquent eux, en tout cas. Et en effet, quand on regarde leur mobilisation, ils arrivent à rassembler entre 100 et 200 personnes. Mais ce sont des groupes très mobiles, en fait. Et comme je disais, qui sont aussi bien avec des gens d'Action française que des identitaires, c'est comme ça, qui vont avec Atsao pour une mobilisation. Et qui sont en fait des gens répartis de partout en Bretagne et qui n'ont pas vraiment réussi à s'implanter sur des territoires, un petit peu dans le pays de Saint-Brieuc, et qui n'ont pas forcément réussi à construire des dynamiques lourdes et de long terme, mais par contre qui arrivent sans problème à mobiliser à peu près 200 personnes un peu n'importe où ils veulent en Bretagne, quoi. Dès qu'il y a un fait divers. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est aussi très lié un peu à l'engagement pour journaliste, on va dire, si on veut, parce que c'est ce qui a été fait déjà par les identitaires, par exemple, quand ils étaient montés sur le toit de la mosquée de Poitiers, avec une banderole qui fait référence à 732 et Charles Martel, c'est clairement des actions type happening, et Jeune Bretagne, Anne-Valérie faisait ça aussi avant, et avec Atsao, on retrouve un peu ça parfois, quoi, où il y a l'idée d'amener plus que de l'action, forcément, de terrain, de présence sur les élections, ce genre de choses. Ça va être un peu, il y a un fait divers, et qui existe médiatiquement, et donc il faut vite l'utiliser. Et par exemple, sur les questions des réfugiés, là-dessus, il y a un peu une course à l'échalote entre le Front National et Atsaou en Bretagne. Par exemple, quand il y a eu les nouvelles qu'il y aurait des réfugiés qui arriveraient à Trébeurden et Trégastel, c'est le Front National qui est allé le premier à appeler à manifester, et donc Atsaou n'a pas appelé à manifester. Et alors qu'à Arzon, c'est Atsaou qui est le premier à appeler à manifester, et donc le Front National n'a pas appelé à y aller. Ils se répartissent un peu les tâches comme ça. Parce qu'ils revendiquent en fait à Atsaou, la seule chose sur laquelle il tient une ligne stricto bretonne, laquelle il est très clair, on va dire, là-dessus, c'est qu'il n'appelle pas à voter pour le Front National et qu'il n'appelle pas au soutien, en fait, quoi, tout simplement. Même s'il y a des liens de personnes entre les deux. Hein. Par exemple, il y a des gens dans le coin de Dinard, des gens qui ont été présents sur des listes Front National qui collent des affiches pour Atsaou aussi. Les liens existent, mais officiellement, il y a une vraie séparation et le Front National, qui en plus veut se dédiaboliser, cherche à s'écarter de ces groupuscules très marqués à droite. Enfin, c'est une incohérence entre les deux. C'est quoi la différence? Pardon. Oui, il y avait derrière. Juste 30 secondes. Pourquoi le Presse Info? Est-ce que c'est du journal? Non, justement. C'est, avant, c'était le journal qui était fait par Charlie Graal, l'IAM Gand, et maintenant, en fait, c'est un titre qui a été récupéré par, du coup, un blogueur du monde de l'extrême droite sur Internet. Et d'ailleurs, il y a un livre qui sort, va sortir de très peu. Il est sorti ? Voilà, sur Braise Info, l'imposture de l'extrême droite en Bretagne, fait par Charlie Graal sur ce sujet-là. D'ailleurs. Et oui ? Une question. Vous n'avez pas parlé du DB. Comment vous voyez le résultat ? Oui. Je voulais en parler, mais j'ai peur de manquer un peu de temps. Alors, du coup, là, j'aurais peut-être besoin d'un peu plus de terrain là-dessus. Mais en tout cas, moi, comme je l'analyse, l'histoire du DB, il y a une intervention qui a été faite là-dessus l'année dernière par Hermine. Enfin bref, moi je le vois plutôt en termes d'histoire politique comme les années 80 qui vont être un peu un tournant. Il y a la première période du DB qui arrive en 64, qui est une contestation du mob par des jeunes générations plus marquées à gauche qui veulent assumer un discours marxiste. À la base, c'est très marxiste comme discours, c'est ce qui est passé après. Et du coup, autonomiste. Ensuite, les années 80, la victoire de la gauche en 81, il y a une citation d'un élu de PS, dont le nom m'échappe, qui disait « L'UDB n'a plus de raison d'exister parce que maintenant le PS fait son travail, enfin, applique ses revendications. » Ça, oui, je crois que c'est ça. Et alors, par contre, la tendance, moi, que j'analyserai pour le coup dans l'après 2000, c'est une autonomisation des autonomistes, un petit peu, en fait. Il y a une nouvelle génération à l'UDB, notamment, enfin, qui est beaucoup représentée par Gaël Briand, qui a pris la tête du journal Pop Breton, et par Neil Caoussin, qui est maintenant le porte-parole, qui cherche à se construire une autonomie de l'UDB par rapport au PS. Et bon, c'est quelque chose qui est encore en cours de transition, je pense. On l'a vu par exemple aux dernières régionales où il y avait des gens de l'UDB qui étaient présents sur la liste de Jean-Yves Le Drian et qui avaient appelé à le soutenir et qui du coup avaient eu des petits problèmes avec leur hiérarchie. Et du coup le fait aussi que l'UDB aille s'allier plus avec Christian Troadec ces dernières années, enfin ces derniers mois même presque, c'est assez récent. Moi je pense que, enfin, moi j'analyserais comme ça en fait, sur une recherche d'autonomie plus forte de la gauche autonomiste. Après avoir, là, il faudra peut-être un temps un petit peu plus long pour voir comment ça se concrétise. Notamment, on va voir avec la présidentielle déjà en fait de 2017, avec Christian Troadec qui essaye de. Enfin, on ne sait pas encore si c'est une signature ou pas, mais ça va être intéressant du coup de voir beaucoup le travail qui a été fait pour l'UDB et avant et après avec les législatives aussi, et donc enfin sur les temps à venir. Peut-être un peu plus de recul pour voir ça. Christian Troadec, dont tu parles, va nous en parler un peu davantage, lui et les gens qui l'entourent. Alors ça, c'est aussi en recomposition, parce que du coup, l'histoire politique de Christian Troadec, à la base, c'est quelqu'un qui s'est implanté par un travail d'élu local sur Carhaix, notamment ce qui est lié à Coref, aux Vieilles Charrues, l'implantation de lycée Diwan. C'est un travail de fond qui a été fait là-dessus, qui lui a apporté quand même un certain soutien populaire dans le pouvoir qui est très fort. Et à partir de là, il y a aussi une autre carrière qu'il a menée, du coup plus vers les institutions régionales et voire nationales, pas présidentielles. Mais du coup, dans son histoire, quand on fait les entretiens, les militants qui l'ont connu un peu, enfin, que ça arrive d'en parler, il y a eu des liens avec les mouvements même très à gauche. Hein, il y a eu des liens de personnes qu'on citait, des soutiens pour la question des prisonniers, par exemple, ce genre de choses. Mais en termes d'alliance effective électorale et officielle, pour le coup, il y en a eu avec le PB. Donc, mise en 2008, il me semble. Donc, il y a eu avec le Parti Breton. Et alors là, est-ce qu'il y aura une inflexion plus à gauche dernièrement ou pas? Au moment des dernières régionales, ce qui était intéressant, c'est qu'à la base, le Parti Breton voulait s'allier avec Troadec. Et 3DEC, qui s'alliait avec l'UDB, a dit « Très bien, vous pouvez venir sur la liste, mais en tant que personne et pas en tant que parti. » Et vous n'avez pas à vous assumer en tant que parti sur cette liste-là. Et donc, il y a eu une rupture entre le PB et Christian 3DEC, qui maintenant, du coup, se lie plus à la gauche autonomiste, et qui va chercher peut-être à se présenter au présidentiel sur une ligne... la ligne qui a été mise en place pendant les régionales, ça reste une ligne assez modérée, un petit peu centriste, centre-gauche, si l'on veut, et qui oscille entre certaines tensions, notamment sur la question écologique, qui en Bretagne a une actualité et une importance assez grande. Par exemple, Christian 3DEC était présent à la manifestation du 29 novembre 2014 à Nantes contre l'aéroport, qui a été fait beaucoup de parler, parce que c'est une manifestation assez violente, où Christian 3DEC était présent avec son écharpe d'élu, s'affichait dans la manifestation sans problème. Et en même temps, avec les bonnets rouges, ça lui colle une image de lié plutôt au monde productiviste de la FNSEA. Lui, il est aussi lié avec la Confédération paysanne. Donc c'est quelqu'un qui essaie de faire l'unité autour de lui. Comment ? Et le lait, alors ça, pour le coup, c'est quelque chose d'assez récent aussi à Carré, qui fait de plus en plus parler, même s'il y a une certaine omerta locale sur cette question-là. Mais du coup, la tendance de fond, c'est du coup un lien plutôt plus présent, peut-être avec les thématiques... écologique et un lien peut-être plus avec des partis d'une gauche modérée, en fait. Donc c'est, Peut-être aussi des liens avec le Parti Socialiste, il a fait évoquer Le Drian, il s'est affiché dans la dernière législative, s'est affiché à côté de François Hollande sur son affaire de campagne, ce qui n'est pas possible. Parce qu'il reste fidèle à la tradition de désistement de la gauche, il reste fidèle à ça. On voit bien pourquoi, mais du coup, il y a quand même cette idée aussi de s'allier avec le pouvoir pour pouvoir y accéder. Ah, une logique d'inclusivité, clairement. Et macronisme. Du coup, on va voir ça sur la présidentielle, en fait. Si jamais elle se déroule, ça va être l'occasion de voir est-ce que ça se concrétise ou pas, c'est bien. Christian 3DEC a une particularité, c'est qu'il n'appartient à aucun parti. Le sien, il a créé le sien. Il a une organisation partisane, dans le sens où il y a des réunions du parti de... Je ne sais pas comment on dit, d'ailleurs. Ah de ce que m'ont dit les militants de ce parti-là, c'est qu'il n'y a pas de réunion parce qu'ils décident tout seul. Il n'appartient à tout et à rien. C'est sûr, il s'est fait seul sur la scène bretonne, lié à le fait que ce soit un élu local à la base qui s'est implanté sur la scène politique bretonne par un travail de local. Peut-être dans les populistes. Oh non. Ah ça déjà faut savoir comment le définir, le populisme en fait. C'est toute la question en fait, c'est comment on le définit. Mais il fait adhérer à sa personne. Donc, est-ce qu'il est populaire ou est-ce qu'il est populiste par exemple? Le phénomène d'adhésion à une personne qui avec. Dans le Power par exemple, il est plus populaire que populiste. Dans le Power il est clairement très implanté, il a une base électorale qui est très très forte, et même au sein de gens qui venaient à la base de la gauche ou de l'autonomiste ou indépendantiste, et qui sont, des gens comme Charlie Graal par exemple, qui sont maintenant dans les équipes de campagne de 3DEC. Comment vous caractérisez ces mouvements spontanés entre vous? Eh bien, c'est un peu dur à caractériser, parce que ça reste quand même le mouvement d'une personne, quoi, qui reste très lié à une personne. Mais après, pour l'instant, c'est un peu dur à analyser, parce que ça n'a pas dépassé les frontières du Power. Ou, pour le coup, par contre, là, c'est un vrai bastion, mais pour l'instant, il n'y a que ça. Et d'ailleurs, l'alliance avec l'UDB était aussi pensée à la base sur cette logique-là, puisque l'UDB a un ancrage électoral qui est beaucoup en Ille-et-Vilaine et en Loire-Atlantique, mais moins dans le Finistère, alors que 3DEC, c'est beaucoup plus dans le Finistère. Ça c'est lié à l'histoire de l'UDB avec des sections du Léon qui avait scission. C'est un peu compliqué, mais... Et du coup, comment on peut l'analyser en dehors de ça pour l'instant, on analysera peut-être quand ça prendra plus d'ampleur, ou alors il n'y aura pas forcément grand travail à faire dessus, puisque ça n'a pas... Je voudrais faire un parallèle. Il y a eu un notabilisme carésien. Moi, j'étais carésien à l'époque, avec Jean Roux, le cousin de Jean Roux, fils de Plouc, et qui était président du Stade Rennais, qui était maire de Carhaix, qui était conseiller général, qui était un schrébériste, Jean-Jacques Servan-Schreber. Il y avait des grands projets d'aéroport international à Clénapol, etc. Moi, je l'ai connu quand je suis arrivé, il était maire. Ensuite, il a été démis parce qu'il a fait faillite. Ça nous aurait quand même simplifié les choses si l'aéroport international. exactement. Et Jean Roux, c'était une figure. Moi, je n'étais pas du tout rouiste. Et c'est Jean-Pierre Jeudy qui l'a cassé. Et finalement, Christian, il reprend. Il reprend à peu près la géographie et puis la thématique, en fait, c'est-à-dire une thématique, et la nature ayant rebondi, c'est, d'abord, à Causan, hein, l'électorat de Causan, chiracien Etara, si j'ose dire, sympathisant Etara, pour aller vite. Et puis après, tu as le centrisme, et puis après, tu as les communismes déçus, qui ne vont pas au Front National, donc ils se comportent. Et c'est tout un conglomérat, mais ça reprend exactement Roux. Et d'ailleurs, là, quand sur le PB, je parlais d'une notabilité indépendantiste assez inédite qui se met en place, peut-être qu'autour de Croadec, on pourrait analyser aussi comme un peu la même chose, mais à gauche, plus de centre-gauche, alors que le PB est plus de centre-droit. Par exemple, le modèle est Ribatasuna. Et qui n'est pas régionaliste, pour le coup. Le modèle est Ribatasuna, parce que ces gens-là, Causan, lui, connaissent très bien les Ribatasuna, autour des Ribatasuna. Oui, c'est clairement un modèle. Le nationalisme révolutionnaire institutionnel. Un peu ça, une tentative en tout cas. On va terminer sur la révolution institutionnelle, comme une partie révolution institutionnelle au Mexique également. Et merci beaucoup. Merci à vous. Donc on va déjeuner au Provençal. Le Provençal qui est sur la dalle du Jean. Je peux vous montrer.